Vous êtes à l'écoute de... Le Transjana. Le Transjana. Le Transjana. Vous vous trouvez bien sur l'émission Transjana, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. J'ai un peu du mal parce que comme on avait changé d'horaire, ça fait déjà plus d'un an, mais bon, j'ai toujours du mal avec les horaires à les dire, excusez-moi. Notre adresse est le 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles, notre numéro de téléphone. 02 344 58 55, 02 344 58 55. Voilà, donc nous nous trouvons dans le studio où nous avons deux invités ce soir. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes tous les deux membres de la coordination Santé en lutte. Mais qu'est-ce que c'est la coordination Santé en lutte et qu'est-ce que votre métier ? Bonjour, ben moi c'est Cécile, je suis infirmière dans un hôpital public bruxellois et je fais partie aussi de la coordination de la santé en lutte qui a été créée depuis début juin. Moi c'est Stan, je suis membre du collectif Hôpital en résistance, un collectif qu'on a créé avec quelques collègues et on est impliqué dans la coordination de la santé en lutte depuis quelques mois maintenant. La question c'était donc qu'est-ce que la santé en lutte ? Oui, c'est ça. C'est une coordination de... c'est une coordination de travailleurs et de travailleuses du secteur hospitalier, mais pas seulement. C'est aussi les maisons de repos, c'est aussi des patients, les usagers qui peuvent et qui s'organisent dans cette coordination pour défendre un meilleur accès à la santé et des meilleures conditions de travail. Et cette coordination, elle regroupe des travailleurs et travailleuses de différents hôpitaux, de différentes institutions, que ce soit autant dans le public que dans le privé. Je peux imaginer que cette coordination n'est pas arrivée là tout d'un coup comme ça. Donc il y a eu un besoin de se coordonner, mais c'est où que c'est la lutte qui a commencé et quand? Du coup, chez nous, ça a commencé, je pense, vers février. Un jour, on a vu sur Facebook, donc les réseaux sociaux, la grève des brancardiers chez nous. Et donc, ils avaient obtenu, mais en quelques jours, parce qu'ils étaient quand même assez unis, ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont réussi à garder leur équivalent temps plein et en obtenir aussi, parce qu'on voulait leur enlever, dû à une restructuration interne à l'hôpital. Nous, bon, on a vu ça, donc déjà, je pense que ça a un impact assez important sur la confiance en soi, sur le fait de pouvoir faire changer les choses. Et chez nous, donc ça a commencé le 8 mars. Il y avait un préavis de grève qui était posé. C'était pour la journée de la lutte pour le droit des femmes. Et donc, les unités de soins intensifs chez nous, tout a commencé là. Et donc, ils ont profité de ce préavis de grève pour lancer leur première grève. Et ça, c'était dû à un ras-le-bol, quoi. À un moment donné, on presse le citron, mais il n'y a plus de jus, donc l'étincelle était née. Et nous, après, moi, je travaillais aux urgences, donc on a suivi le 15 mars, là, on est parti en grève avec eux. On a été très bien accueillis, on s'est tourné vers le syndicat dans notre hôpital. qui nous a vraiment bien aiguillés, donc le délégué permanent, donc chez nous c'est la CGSP, nous a permis de pouvoir nous exprimer, nous a guidés sur, ben voilà, vous devez faire vos revendications, vous devez voilà, essayer de vous, vous structurer, quoi, ce qui n'est pas évident quand c'est la première fois qu'on fait ça, et qu'on n'est pas du tout du milieu des bureaux, ou même dans une organisation, on est soignant, ça c'est ce qu'on sait faire. Et on a eu la chance, en fait, que chez nous, que ça soit un fonctionnement syndical de lutte qui fonctionne en assemblée générale. Parce qu'on a commencé à faire des assemblées générales, et donc à se coordonner. Et ce qui a été super, c'est qu'ils nous ont laissé prendre les décisions, quoi. Même si des fois, ils essayaient de nous dire « Non, ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais au final, c'est nous qui avions le dernier mot. » Et donc, on est reparti en grève donc, le 15 mars. Et ça a conduit à des groupes de travail ensuite en interne dans l'hôpital, qui ont conduit à des pistes d'amélioration, qui ont conduit à d'autres groupes de travail dans le long terme. Voilà, ça, c'est au niveau local. On a quand même, pour notre service, obtenu quelques équivalents temps plein. Mais dans d'autres services, ils n'ont encore rien obtenu. Et on s'est aperçu ensuite qu'il y avait des revendications qui devaient plus se porter au réseau qui chapeaute le réseau des hôpitaux publics bruxellois. Donc c'est le réseau Iris, en fait. Et donc là, je ne sais pas comment... Enfin, on a été médiatisés pendant notre grève. Et je ne sais pas comment l'étincelle est née dans les autres hôpitaux publics, mais ils nous ont rejoints dans la lutte, en fait. Et là, le 3 juin, on a fait une grande manifestation et surtout grève devant les locaux de la fêtière Iris. Et c'est depuis ce jour-là qu'on s'est dit, mais tiens, on s'est coordonné entre hôpitaux publics, pourquoi pas aller plus loin. Parce que ça a duré longtemps, votre action. Parce que vous dites, vous avez commencé le 3 juin, mais vous avez tenu une grève pendant combien de temps ? Le 3 juin, c'était vraiment une journée. En fait, en tout, il y a eu deux journées de grève. Mais entre-temps, on a fait des actions dans l'hôpital aussi. Ouais. Et donc, suite chez vous, il y a d'autres hôpitaux qui ont suivi des actions. Parce que pendant l'été, il y a eu encore d'autres grèves dans d'autres hôpitaux, non ? Suite au 3 juin, on s'est dit, tiens, on va aller plus loin. Et on a fait une assemblée générale sur la place devant le palais de justice, dehors, tous. Et là, on s'est dit, là, c'était vraiment assez folklorique, parce qu'on est, on est là, il y a de l'énergie, on veut faire changer les choses. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait, en fait ? Et on a quand même réussi à décider que, on allait se créer en coordination, essayer de se structurer. Et c'est là où on avait décidé d'une première réunion de coordination le 21 juin. Ah, ouais. Et c'est là où on a fait notre première réunion de coordination, où on a eu des membres des hôpitaux privés, mais pas que. Il y avait des membres de maisons médicales aussi, des patients, des associations de patients. Et donc ce jour-là, on a décidé aussi de participer donc durant l'été, parce que l'été, c'est pas toujours facile, tout le monde est un peu parti, donc de participer au Mardi des Blouses Blanches. Donc c'est là où notre hôpital a participé au Mardi des Blouses Blanches, comme tout durant l'été, beaucoup d'autres hôpitaux l'ont fait. Ouais. Et là, on parle de... C'est une initiative qui a pris plutôt dans des hôpitaux privés. Oui, c'est privés, une initiative de la CNE, donc... la CNE, donc dans le privé, a réagi au mouvement qu'il y avait dans le public et a lancé ces mardis des blouses blanches. Donc, le principe, c'était chaque mardi à partir du mois de juin, et ça jusqu'au début de l'été, parce qu'il y a eu une trêve pendant l'été. Je sais qu'au niveau du public, ils ont continué, surtout à Bruckmann, ils ont continué à faire les mardis des blouses blanches, mais au niveau du privé, ça s'est arrêté pendant l'été. Et le principe, c'était de faire des actions médiatiques sur les différents sites hospitaliers pour exprimer le ras-le-bol des soignants. Et donc, vos revendications finales, ce sont un peu les mêmes. Est-ce que ça se passe un peu la même chose dans plusieurs hôpitaux. c'est quoi maintenant les revendications de cette coordination santé en lutte? Alors les coordinations, Oui, et la coordination aussi, par... comment elle, c'est quoi, c'est un, donc vous avez dit c'est un démocratique, c'est un structure autonome. C'est... Voilà, les revendications normalement doivent se finaliser à l'Assemblée générale de ce vendredi, où on va faire une proposition de revendication, mais qui va être débattue. Pour que effectivement ça puisse être porté et toucher tout le secteur de la santé. Et pour l'instant, les actions qui ont été médiatisées et tout ça, c'est plutôt sur les conditions de travail dans les hôpitaux ou oui, donc, au niveau des marges de blouse blanche, effectivement, il y avait une perspective surtout d'exprimer une souffrance et de la part en tout cas des syndicats dans le privé, il n'y avait pas de revendication assez claire. Je pense que c'est aussi là l'intérêt de se rassembler avec la santé en lutte, c'est pouvoir exprimer des revendications assez précises. Je sais que il y a l'idée de faire appliquer les accords du non-marchand, mais pour beaucoup, ce n'est pas assez ambitieux. Il y a des préoccupations de terrain qui est de l'ordre de la revalorisation salariale, de l'engagement, d'avoir des contrats stables, parce qu'on a de plus en plus recours aux contrats précaires, au temps partiel imposé. Dans mon hôpital, par exemple, les aides-soignantes ne peuvent pas faire de temps plein. C'est considéré par le patronat comme moins efficace que le cumul de temps partiel. Parce que comme c'est un métier très éprouvant, il y a plus d'absentéisme chez les temps pleins, qui sont en fait complètement crevés, que chez les trois quarts temps, qui ont plus de temps de récupération. Et donc, pour le patronat, c'est plus intéressant de cumuler des temps partiels, puis c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus malléable en termes de main-d'œuvre. Donc ils n'ont pas beaucoup de contrats plein temps non plus. Non. Ouais. En fait, donc c'est vraiment une politique d'engagement. Ouais, dans le milieu infirmier, il y a beaucoup de temps plein, parce que c'est un métier qui est dit en pénurie. Cette pénurie, en fait, elle n'est pas réelle, parce qu'il y a assez de diplômés sur le marché, sauf que les diplômés ne veulent plus faire ce travail, parce qu'il est trop éprouvant. Et donc, dans cette dynamique d'épuisement, et vu les salaires qui restent quand même acceptables pour le métier d'infirmière, je parle vraiment seulement du métier d'infirmière ou de sage-femme, il y a beaucoup de recours au temps partiel, mais du temps partiel choisi. Alors, c'est du choisi entre guillemets, parce que c'est une manière de supporter la charge de travail. Donc, les infirmiers, donc moi je suis moi-même infirmier, je n'avais pas précisé, mais les infirmiers et les infirmières choisissent le temps partiel pour pouvoir supporter la charge de travail pour récupérer. Quelque part, pour les aides-soignantes, par exemple, la dynamique vient du patronat, mais pour les infirmières, parce qu'elles ont un salaire supérieur aux aides-soignantes, elles peuvent se permettre d'être à temps partiel pour récupérer. Mais dans les deux cas, c'est parce que la charge de travail est trop importante. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi vraiment une restructuration qui est nécessaire, vraiment de fonction. Allez, qu'un plein temps est possible, mais qui soit moins lourd. Donc oui, ça veut dire qu'il y a d'autres causes qui sont à la problématique, qui font que mais peut-être moins d'effectifs, pas assez d'effectifs, ou l'organisation de santé en général. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y a eu donc une attaque financière de la part du fédéral sur le secteur de la santé, qui a imposé aux hôpitaux d'être rentables. Et du coup, ils ont appliqué des techniques managériales venues de l'entreprise qui vise à rationaliser le salariat via une flexibilisation de la main-d'œuvre, via le recours aux contrats précaires, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe autour des soignants? Il y a tout plein de métiers qui se précarisent, qui se retrouvent en sous-effectif, et les soignants doivent compenser. Et donc, il y a quelque part tout le château de cartes de l'hôpital qui s'effrite petit à petit à travers les métiers qui font partie de l'organisation de la santé et qui sont autour des personnes qui sont au chevet des patients et qui se délitent L'entretien ménager subit de plus en plus de flexibilisation où on va demander à une femme de ménage d'aller tantôt dans le service faire une chambre là-bas, puis elle est chronométrée pour sa chambre. Vraiment, ils et elles doivent faire leur chambre en X minutes, et puis juste après ça, donc, ils ont un espèce de smartphone en main où ils ont une nouvelle demande. Et donc les soignants participent à ça parce qu'ils encodent dans l'ordinateur les demandes de nettoyage de chambre. Et comme ça, le personnel de l'entretien ménager court dans l'hôpital de chambre en chambre pour essayer de maximiser la productivité en fait, de tous les métiers. Et c'est ça qui est terrible pour les soignants aussi, c'est qu'on les mangeait à la même sauce, c'est qu'on doit être de plus en plus productif. Et ça, c'est une évolution que vous voyez depuis combien de temps ? Parce que est-ce que ça est arrivé petit à petit ou est-ce que c'est quand même ces dernières années, il y a un gros changement ou une coupure dans le budget ? Est-ce que ou c'est pas seulement le budget, c'est aussi une politique derrière ou... Mais personnellement, ça fait 7 ans que je suis dans le même service. Et. Donc nous, on a pas eu moins de personnel, mais par contre, on a eu des tâches en plus. Mmh. On nous a donné des tâches en plus, qui se sont rajoutées petit à petit. Donc on n'a pas vu venir... il y en a une qui se rajoute, ok, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a tout ça qui s'est rajouté. Et là, ça va plus, quoi. Parce qu'en fait... Donc, chez nous, ce qu'on nous a dit après les grèves, c'est oui, mais vous savez, depuis 2003, il y a une augmentation de plus 50% de l'activité. Mais depuis quelques années, depuis 2016, il y a 2,4% en moins. Alors, comment on explique ça ? Ben, on leur dit, mais écoutez, ça fait quand même 50 ou 49% d'augmentation. Enfin, il y a tout un raisonnement de rentabilité, enfin, parce qu'on a pu rencontrer beaucoup les directions ces derniers mois. Et ce qui est un peu affolant, c'est d'entendre toujours le mot attractivité, concurrence avec les autres hôpitaux, c'est toujours un vocabulaire très... d'entreprise, quoi. Et donc le dernier exemple que j'ai en date, c'est parce que on a obtenu des équivalents temps plein en plus, on a encore quelques équivalents, un poste qu'on essaie de défendre, mais qu'on nous a dit qu'on allait réévaluer parce que par rapport au mois... de l'an dernier au même mois de cette année, en comparaison avec celui de l'an dernier, il y a 8% de fréquentation en moins. Donc c'est... Quand on nous dit ça et qu'on demande mais est-ce que vous prenez en compte la lourdeur du patient ? Donc je parle donc une personne qui vient avec une entorse à la cheville ne prend pas autant de temps de prise en charge qu'une personne âgée avec... polypathologique, qui est grabataire, des personnes qui prennent beaucoup de temps. Mais en fait, ces chiffres ne prennent pas en compte, en fait, vont compter... ça va être une entrée, quoi. Les deux personnes vont être une entrée, et il n'y a pas de différenciation de temps de prise en charge pour ces deux patients. L'hiver dernier a été très... Je pense que le mouvement est parti aussi du fait que l'hiver dernier était très dur pour nous, même si on nous dit qu'il n'y a pas eu plus de personnes. Mais les patients étaient très lourds, il y a eu beaucoup de grippe, il y a eu beaucoup de... Et en fait, notamment, beaucoup de personnes âgées qui sont restées parfois 72 heures aux urgences. Donc ce sont des personnes qui demandent beaucoup de temps, qu'il faut vraiment tourner pour éviter les escarres. Et je pense qu'on les a très mal pris en charge parce qu'on n'était pas assez et qu'il fallait choisir entre sauver l'infarctus ou aller tourner la personne âgée dans son lit. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, donc même dans la période un peu crise, il n'y a pas moyen d'y avoir des effectifs en plus. Le problème, c'est cette personne âgée qui rentre et qui reste 3 jours, elle est considérée comme un patient, en fait. Et donc ça, c'est ça leur chiffre, en fait. Et ce qui est assez aberrant, c'est que je pense qu'ils ont quand même vu... qu'il y avait une réelle motivation des travailleurs, des soignants, de tous les soignants, d'essayer de faire comprendre qu'il y avait vraiment un problème sur le terrain. Mais ce qui est le plus aberrant, c'est de... Bah, c'est qu'on ne nous prenne pas au sérieux, en fait. C'est qu'on ne nous ressorte que des chiffres à chaque fois. Mm-hmm. Et ça... Ils ne reconnaissent pas vraiment le côté humain que ça prend et le temps que ça prend. Ouais. Mais oui, en ça fait, on ne soigne plus, en fait. On fait des actes. On fait des actes. On ne soigne plus. On ne prend plus un patient. C'est des actes. C'est, ah oui, je vais faire tel acte. Je vais faire tel acte. OK. Depuis 10 ans, il y a vraiment une attaque néolibérale sur la gestion de la santé dans une perspective de rentabilité. Et donc, les directions hospitalières ont changé. Avant, c'était peut-être... Il y avait des critiques, c'est clair. Et je ne pense pas qu'on aspire à un retour à l'avant. Mais c'était des gestions médicales qui avaient une certaine notion du soin. C'était très hiérarchique, c'est toujours très hiérarchique, c'était très patriarcal parce que corpus médical majoritairement masculin. Mais aujourd'hui, on a à la place des médecins, des gestions managériales. Ils sont issus d'entreprises pharmaceutiques ou tout autre, qui étaient DRH chez Toyota et qui arrivent dans un secteur hospitalier, quoi. Et ce changement-là, il est du fait d'une injonction de rentabilité. Et donc, on a une gestion comptable des hôpitaux où le financement des hôpitaux, en tout cas dans le privé, se fait à coup d'actes. Et donc, on doit faire reconnaître qu'on a fait autant d'actes pour avoir une telle somme. Ou bien, par exemple, je dis des choses au hasard, mais une prothèse totale de hanche, c'est 5 jours d'hospitalisation financée. Si le patient ou la patiente fait 7 jours, l'hôpital n'a pas les 2 jours supplémentaires en termes de finances. Donc il y a aussi cette course à l'hospitalisation à domicile, à faire sortir les patients le plus vite possible de l'hôpital, et on ressent cette pression également. Il y a vraiment, dans cette même dynamique de rentabilité, comme disait Cécile, une chasse à la patientèle, parce qu'il faut que l'occupation des lits soit maximale, parce qu'un lit vide, c'est une perte financière. Et c'est vraiment comme ça que c'est exprimé. Hein. Mon infirmière-chef a des rapports de taux d'occupation de lit avec des évaluations positives ou négatives de sa gestion en fonction de combien d'opérations avaient été programmées et combien de patients il y a eu dans le service. Quoi. Ouais. Et tout ça supprime du calcul la notion de soins. Donc c'est cet aspect de prendre soin d'humanité, en fait, qui n'est pas comptabilisé et qui est inchiffrable, en fait. C'est toute cette charge mentale et toute cette charge du prendre soin qu'on appelle aussi care, qui est le fait de écouter, d'être présent, d'expliquer, de juste accueillir la famille, toute cette charge-là qui prend énormément humainement, qui demande beaucoup, parce que être avec la famille d'une personne mourante, on peut pas comptabiliser ça, on peut pas dire oui bon là j'ai 5 minutes vite fait, bon voilà les informations, ciao bonsoir, c'est impossible. Et nous en termes de charge émotionnelle, c'est super prenant, et puis ça demande de développer des compétences qui sont absolument pas reconnues et qui sont traditionnellement dans notre société pas reconnue, parce que ce sont des compétences qui ne sont pas reconnues en tant que compétences parce qu'elles sont essentialisées dans le chef, en général des femmes qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent s'occuper des personnes en dépendance et qui ont été quelque part par l'éducation assignées à cette tâche-là, sous prétexte que ça ferait partie de leur nature, alors que réellement, ce sont des compétences développées et qui ne sont pas reconnues dans le salariat, qui ne sont pas reconnues dans la sphère privée et qui sont toujours à charge ou majoritairement à charge des femmes. Et c'est ça aussi qui fait partie de la grogne aujourd'hui, c'est que quand je parle avec mes collègues femmes ou avec mes collègues tout court de ce que on voudrait faire reconnaître, mais c'est ce truc-là

entendez notre peine. Sous l'eau, c'est sûr, on l'aime. Soyez sûr, on le perd. Y'a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité. Donc voilà, c'était pour petit rappel, le morceau des infirmières du CHU de Valence. Donc voilà, un petit clin d'œil aux collègues français. Donc soignants en souffrance, en Belgique comme en France, lutte et solidarité. On est avec vous et vous nous avez pas mal inspirés. Super. Je vais bien soigner mes patients. Mais avant, il faut que je parle à la direction. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. Simple. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Basique. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Simple. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. L'ambulatoire, c'est le drive à McDo, ça rapporte du pognon. Simple. Rentabilité et débilité ont la même terminaison. Basique. Faut plus de 4 heures pour récupérer d'un coup de marteau dans les genoux. Simple. À plus de 80 ans, on te renvoie à la maison, on s'en fout. Basique. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. Simple. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Basique. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Simple. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si ça ruse pour nous museler, c'est pour mieux nous la mettre dans l'arrêt. Simple. Saint-Exupéry sans elle, ton avion ne peut pas s'envoler. Basique. Si tu déshabilles Pierre pour essayer d'habiller Paul, c'est Riquet qui se fait baiser. Simple. C'est dramatique, mais pour le combat, t'inquiète, on est paré. Basique. Je suis pas Saint-Jean ou Saint-Nicolas, je veux juste faire mon métier. Simple. Si j'ai la rage dans ta tête de comptable, Pasteur sera là pour m'aider. Basique. L'union fait la force, je viens du coin en marchant pour t'expliquer. Simple. Que pour défendre les patients, on va te montrer ce qu'est la fraternité. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Oui, on est de nouveau à l'émission Tranche d'un art. Bon, on peut peut-être rebondir sur la coordination santé en lutte. Et aussi, je voulais quand même faire aussi que vous parliez un peu le lien avec la France, parce que apparemment, ces chansons qu'on vient d'écouter, c'est quand même aussi des infirmières ou des hôpitaux en lutte en France. Ouais. En France, en tout cas, actuellement, il y a plus de 200 services qui se sont déclarés en grève. Et voilà, là, le deuxième morceau qu'on a entendu, c'est les infirmiers des CHU de Toulouse. Ouais. Et puis, écoutez les paroles qui sont un peu dans les mêmes conditions de travail que nous. Hein. C'est la galère aussi. Quoi. Est-ce que votre lutte est liée avec leur lutte ? C'est quoi le lien ? On a des contacts avec des camarades en France. Ils sont organisés en coordination de lutte, un peu ce qu'on tente de faire avec la santé en lutte. C'est-à-dire que dans chaque hôpital, dans chaque urgence, parce que là, c'est l'interurgence de France, il y a des collectifs qui mandatent des représentants pour s'organiser au niveau national. Et avec la santé en lutte, c'est aussi l'esprit, c'est de dire comment on s'auto-organise en tant que bénéficiaire de soins, en tant que travailleur ou travailleuse de la santé, et comment on, ensemble on prend nos conditions de travail et la problématique de la santé en main. Et l'objectif de la santé en lutte, c'est aussi de dépasser les chapelles syndicales, c'est de dépasser les secteurs, parce qu'on a bien vu qu'il y avait un secteur public, un secteur privé, et tout ça est assez morcelé. Et donc les travailleurs et les travailleuses sont comme ça atomisés dans les hôpitaux ou dans des filières, et comment on peut créer un mouvement assez horizontal d'autodétermination et de lutte, parce que l'idée, c'est pas seulement de faire de la com les mardis des blouses blanches, c'est aussi d'aller avec des revendications claires et de les imposer au patronat et au fédéral, quoi. Ouais, et des lieux d'échange, je pense, entre différents hôpitaux, alors à différentes... ouais. Et, parce que c'est vrai qu'ici, je ne sais pas si on parle de Bruxelles ici, des hôpitaux en Bruxelles, mais c'est Santé en lutte Belgique. C'est quoi vos connexions avec la Wallonie, la Flandre, où c'est tout un début et c'est tout encore à lancer? C'est ça, c'est vraiment le début. On a des contacts à Liège, on a des contacts à Charleroi, on a des contacts avec la Flandre. Alors c'est sûr que c'est pour l'instant très bruxello-centré, c'est très francophone, mais ça dépend aussi de la communication qu'on peut avoir. Donc on tente vraiment d'intégrer le bilinguisme déjà dans notre communication, et puis de créer des liens. Mais l'idée aussi de la création de la santé en lutte, c'est de promouvoir et de renforcer l'organisation dans les hôpitaux de coordination locale, de personnes qui pourraient prendre eux-mêmes les outils et se retrouver et discuter de leurs conditions de travail et de se mettre dans une perspective de lutte et d'amélioration de conditions de travail. Ouais, ouais. Wow. c'est probablement très ambitieux. Initiative, mais, ouais. Mais voilà, je pense que c'est des bonnes bases pour commencer. Et en France, ça existe déjà plus longtemps, ou c'est aussi... une initiative récente chez eux. Les mouvements de grève ? Oui, ou le soutien comme ça, autonome, un peu coordination. Alors, je sais qu'en France, les grèves ont commencé aussi en mars, en fait. Le mouvement a commencé en mars. Donc vous êtes dans le même élan. Mais oui. Okay. Ouais. Après les attaques sur temps, les conditions de travail et le système de la santé en France sont plus anciennes que chez nous, et je pense qu'ils ont poussé la dynamique austéritaire vraiment très loin en France, avec des hospices de 3 jours, 4 jours aux urgences, ce qui est en fait, pour comprendre normalement les urgences, ça tu peux beaucoup mieux en parler que moi, mais c'est vraiment traiter la pathologie dans l'urgence et dispatcher dans l'hôpital. En France, ils n'ont plus de place parce qu'on ferme des services, on diminue les effectifs, on délocalise des maternités, on ferme des maternités, on ferme des services de chirurgie cardiaque, d'orthopédie, etc., au point où les patients arrivent dans les urgences, mais en fait, il n'y a rien qui suit derrière. Donc, ils sont bloqués là, dans la filière de santé, ils sont bloqués dans les urgences. Et pourquoi les gens recourent de plus en plus aux urgences ? Parce que les soins de première ligne ont disparu aussi. Donc, au lieu d'aller chez un médecin traitant ou à la maison médicale du coin pour soigner, quelque chose d'horrible, un début d'abcès, on se retrouve avec un truc énorme et on va aux urgences 3 semaines plus tard. Parce que tout le reste a disparu, et c'est là où on voit... l'état de crise d'un système de santé, c'est à l'engorgement des urgences. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la prise en charge la première ligne globale et dans le niveau financier de la population aussi. Parce c'est que, quand même autant, incroyable, pas... parce que c'est quand même un soin de base. Allez, c'est quand même c'est quelque chose de très important. Je comprends même pas... Pour, c'est votre secteur. C'est, on voit ça dans plusieurs secteurs, mais c'est quand même très fort ce que vous dites là en France. Ils vont aller jusqu'où, quoi, tu vois. Allez, c'est la vraie question, parce que les soignants, là-bas, se suicident. Hein. Ils sautent du haut des hôpitaux. Hein. C'est vraiment un épuisement qui va très très loin. Mais aussi pour les patients, quoi, tu vois. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de pouvoir lire en fait un reportage d'une personne qui travaille dans les hôpitaux, et comme il diminuait les lits, mais qu'il faut mettre des patients aussi, en fait, ils arrivaient à des fois à espérer qu'il y avait des morts, en fait, pour pouvoir rechanger, pour avoir d'autres clients et tout, tellement qu'en fait, il y avait le nombre du chiffre, en fait, qu'il fallait que ça tourne et tout, pour te dire dans quel état d'esprit ils étaient, quoi. Parce qu'ils n'ont plus de lit, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus. Mais tu peux peut-être en parler dans ton hôpital, Cécile, mais chez nous, clairement, parfois, le patient n'est pas décédé. J'ai encore un exemple de ce week-end où on prévoit déjà de nettoyer sa chambre parce qu'on va avoir une admission. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas dites ouvertement parce qu'il y a une certaine omerta qui règne aussi dans le secteur hospitalier, des erreurs médicales, des mauvaises prises en charge, etc. etc. Je ne dis pas que tout le monde couvre tout le monde, mais c'est malgré tout beaucoup de corporatisme, d'entre-soi, qui fait que quand ça sort au grand jour, c'est qu'on est arrivé à un point... Où ça va très loin, quoi. Bah nous, par exemple, donc c'est surtout l'hiver, mais en fait, on constate ça aussi de plus en plus hors saison vraiment hivernale, mais l'hôpital est plein. Et donc, c'est vrai que les personnes, on va dire, entre guillemets, stagnent aux urgences, quoi. Enfin, l'hiver, c'est flagrant, quoi. Comme je disais tantôt, il y a des personnes qui restent 48 heures, et même l'an dernier, on a vu ça jusqu'à 72 heures. Et donc, quand il n'y a plus de place à l'hospitalisation provisoire, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, les personnes, ils sont sur des brancards, quoi, pendant 24 heures. Donc, ça fait... Enfin, c'est un peu la médecine de guerre, quoi. Enfin, chez nous, on a une unité saisonnière qui n'a jamais réouvert, qu'on avait dit qu'on réouvrirait. Elle n'a jamais réouvert, quoi. Donc, ça pourrait être quand même... une unité de soins qui peut permettre de désengorger l'hôpital, enfin les urgences à un moment donné. Bon, on ne sait pas. Enfin, je peux imaginer aussi qu'il y a quand même des patients qui se plaignent, non ? Ou est-ce que les gens ne sont... Allez, qu'est-ce que sont les réactions aussi à vos actions, du côté de la patient ? Et aussi, est-ce qu'il y a une manière que les patients ou des gens qui sont... Allez, tout le monde qui est concerné... Parce que tout le monde est concerné de s'adhérer à votre lutte. Hein. Alors ça, c'est... du coup, c'est, ça augmente l'agressivité des patients. Enfin, ouais. Pas des patients, de l'entourage aussi. Je ne parle pas forcément de... Bon, je parle plutôt donc, des gens qui viennent, qui attendent 4 heures avant de l'être vu. Et donc, bon, je peux comprendre que 4 heures, c'est pas... Parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi ils attendent 4 heures, en fait. Enfin... Donc ils nous voient, bon, on n'est pas en train de manger parce que des fois on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes, quoi. Enfin, vraiment c'est très difficile les conditions. Mais le résultat c'est que quand même il y a une augmentation de l'agressivité des personnes et ça ajoute encore plus la difficulté pour nous parce que au final c'est nous qui prenons ça dessus aussi, quoi. C'est plus les accompagnants en famille, mais ce qu'on peut comprendre, hein, c'est pas... Mais bon. Mais est-ce que les gens ne savent pas où se plaindre alors ? Parce que c'est pas. Ils doivent quand même comprendre que ce n'est plus pas à votre niveau que ça soit décidé. Allez, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui existent que les gens savent d'infos ? C'est toujours très dur de se plaindre face à une grande institution. Ouais, aussi. Ouais. On peut envoyer un mail de plainte, ça arrive. Hein. Ouais. On a eu des plaintes contre l'hôpital, mais. C'est toujours difficile il y a un service juridique, toujours difficile de se battre contre une institution. Hein. Bon, j'imagine qu'il y a des enquêtes, mais Mais ça n'aide pas vraiment pour l'instant, ni votre lutte, ni... En France, on a vu et on voit qu'il y a un taux d'agressivité vraiment élevé aux urgences et ils ont mis en place des vigiles. Donc pour répondre à cette question de l'agressivité, ils mettent des vigiles aux urgences. Et il y a un slogan de l'interurgence en France qui est « Vous n'attendez pas parce que nous sommes en grève parce que vous attendez ». Et c'est vraiment l'histoire, c'est de dire ça. Mais ici en Belgique, on a eu un écho extrêmement positif de la part des patients, très positif de la part de la société civile de manière générale, dans les médias et tout ça. Je pense qu'il y a une certaine conscience du fait que ce travail est difficile, que on est vraiment de bonne volonté, parce que nous, on aime notre taf, on voudrait bien le faire, hein. Et si on est en grève et en lutte, c'est aussi parce que on veut bien soigner. C'est ça vraiment, il faut comprendre. Oui. Ouais, que vous avez fait ce métier pour aller pour quelque chose, que vous avez fait ce choix pour pouvoir faire votre métier, et c'est le métier qui commence à changer énormément, que ça. En fait, c'est un peu alarmant parce que bon, déjà il y a eu depuis cette année un allongement d'un an de la durée des études, en tout cas pour les infirmiers là je parle. Donc on peut constater qu'il y a eu une diminution de 10% des inscriptions dans les écoles, plus tous ceux qui veulent plus faire le métier. Enfin bon, c'est y a quand même. Enfin, on comprend pas pourquoi les signaux ne sont pas pris en sérieux. Pris en compte, quoi. Ouais. Enfin, et en plus, les solutions, elles sont assez, entre guillemets, simples à appliquer. Bien sûr qu'on ne s'est pas formé X milliers d'infirmières en 2-2, mais on peut renforcer, donner des temps pleins aux aides-soignantes qui le réclament, engager des aides logistiques, engager des aides administratives, parce qu'il y a une charge administrative qui a vraiment nettement augmenté, puisque le financement des hôpitaux se fait sous scorage de l'activité des unités et des hôpitaux. Donc comment on score? C'est-à-dire que c'est l'infirmière qui fait des croix dans un dossier pour dire « j'ai bien mis le patient au lit, j'ai mis le patient au fauteuil, j'ai... » Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans des feuilles ce qu'on fait comme travail. C'est comme si, ici, à la radio, on disait « j'ai mis le bouton en on, j'ai allumé l'écran » et tout ça, on note sur un papier. « J'ai bien interviewé... Ouais, » mis... Et on fait ça sans cesse, sans cesse. Et c'est une lourdeur administrative terrible qui permet au fédéral de financer au strict minimum, coller le financement à l'activité. Ils disent coller le financement à l'activité réelle, mais on ne sait pas calculer une activité réelle en faisant des croix dans des cases, c'est impossible. Et puis, comme on en a déjà parlé, il y a tout l'aspect humain qui est inscorable. Et donc... ça aussi, d'avoir des aides administratives, s'ils veulent continuer dans cette dynamique-là, mais qu'ils nous en donnent au moins les moyens. Sauf que là, on doit choisir entre être au chevet du patient ou remplir les dossiers. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes d'un patient qui tout d'un coup va plus mal ou a un problème avec sa plaie et tout ça? C'est qu'on a des dossiers qui ne sont pas forcément complets, puisqu'on n'a pas le temps pour les remplir. Et donc, on ne s'est pas justifié qu'effectivement, sa plaie était en état ou qu'il y a eu une dégradation de la plaie, etc. etc. Donc, on est assez malmené. Et les moyens pour venir en aide aux soignants, au fond, sont assez simples. C'est-à-dire qu'on peut engager plein de personnes qui ne demandent pas forcément une qualification énorme ou une formation de longue durée, qui sont remplies, qui croulent dans les bureaux de chômage, et qui ne cherchent qu'une chose, c'est d'avoir un emploi. Donc, il n'y a pas de pénurie dans le secteur hospitalier, il y a juste des très mauvaises conditions de travail qui fait que les gens ne veulent plus faire le travail. Mm-hmm. Et ils ne sont pas en train de casser aussi en donnant des autorisations de faire des choses à des gens qui n'ont pas la qualification? Il y a toute cette question des nouveaux actes confiés aux aides-soignants. Et ça, c'est une translation, en fait, des compétences qui n'est pas une solution au problème. Donc, il y a le chevet du patient, les aides-soignantes et les infirmières. Et on se rend compte que de plus en plus d'aides-soignantes font des tâches infirmières. Et donc, le ministère de la Santé a dit, je pense qu'il y avait une petite idée derrière la tête, mais on va déjà faire évoluer le cadre légal pour éviter que les aides-soignantes soient dans l'infraction à donner des médicaments. Ouais, certes, c'est super sympa pour les aides-soignantes, mais elles ont des compétences en plus sans valorisation salariale. Ouais, et qu'est-ce qui se passe? C'est que les médecins... Enfin, il y a une translation des compétences des médecins aux infirmières. Les infirmières sont de plus en plus des coordinatrices de soins à l'écart du chevet du patient, qui se retrouvent au chevet du patient, l'aide-soignante. Il n'y a pas de revalorisation salariale, il n'y a pas de nouveaux effectifs. Et qu'est-ce qui se passe? Quelque part, c'est un gros résumé, mais l'aide-soignante devient l'infirmière par défaut au chevet du patient et les problèmes restent. Et moi, personnellement, je ne suis pas contre que les aides-soignantes puissent faire plus de choses, sauf que ça ne répond pas à un problème, si ce n'est le problème de quelque chose qui existe déjà et de couvrir légalement celles qui font des actes infirmiers. Waouh. Oui. Mais bon, donc... Il y a comment les gens peuvent vous rejoindre? Alors, c'est qui les patients, les infirmières, comment vous trouvez pour s'adhérer à la coordination et l'assemblée? Par rapport au donc qui peut nous rejoindre, quel qu'il soit, pour à qui adresser cette assemblée de vendredi? Alors, ça, c'est vraiment... Ça peut être infirmier, sage-femme, brancardier, aide-soignant, personnel de la lingerie, de la restauration, de l'entretien ménager, technicienne, secrétaire, les laborantins, enfin, toutes les personnes qui gravitent autour de l'hôpital ou alors maison de repos et de soins ou maison médicale. Et vous communiquez ça comment? Donc, nous, on a une page Facebook. Donc c'est la santé en lutte. On a aussi une adresse email. Ouais. La santé en lutte en toutes lettres attachées à gmail.com. Et alors et vous distribuez ce genre de flyer, je suppose aussi pendant les actions qui continuent encore ce truc de mardi. Oui, donc il y a toujours les mardis des blouses blanches ont repris officiellement. Pour le secteur privé mardi passé. Le secteur public a continué pendant l'été. Ouais, ouais. Et nous, on fait des distributions de flyers ou d'informations auprès des hôpitaux. Alors, on a fait quelques-uns cette semaine-ci, la semaine passée, pour mobiliser pour l'Assemblée générale de ce vendredi. Donc, vendredi, il y a une grande Assemblée générale, comme disait Cécile. Tout le monde y est convié. Et également les patients et également les citoyens et citoyennes qui se sentent concernés par cette problématique de la santé de manière vraiment plus générale. Cette AG, elle a lieu à 18h rue du Congrès, numéro 17 à 1000 Bruxelles. Comme ça, vous avez l'adresse complète. Ouais. Et ben voilà. Ouais. On va donc voter, essayer de parler de nos revendications, essayer de mettre d'accord. Et puis chaque membre a une voix, donc on essaie de... On va structurer le mouvement de manière démocratique et chacun peut avoir sa voix et toutes les décisions seront prises en assemblée générale. Oui, et donc l'AG sera vraiment de ce vendredi l'occasion d'éclaircir les revendications, d'éclaircir surtout l'agenda de mobilisation. Est-ce qu'on irait sur une manifestation nationale? Ça va vraiment dépendre de la volonté de ceux qui vont se retrouver là vendredi. Et voilà. Oui, parce qu'il y a des choses à faire dans différents niveaux. Et comme tu avais dit, localement... Au niveau fédéral, c'est le refinancement de nos soins de santé. Oui, non. Oui, c'est le moment. Hein. Peut-être, le gouvernement n'est pas encore là, mais... Oui, mais ça va. Hein? Ça, ils sont toujours là, oui, je sais bien, mais c'est ça, tu vois, mais officiellement, voilà, mais il faut le faire. Oui, et puis dans la constitution du gouvernement, ils peuvent aussi clairement mettre cette problématique-là comme priorité. Hein. Mmh. Oui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Tu vois, c'est maintenant le moment pour, pour travailler là-dessus. Vous avez encore pour terminer un vidéo d'un... Alors, suite à la manifestation qu'on avait fait à Iris, enfin, au niveau des réseaux des hôpitaux publics, on a fait un appel à la mobilisation donc, qui tombait en même temps que la création de la coordination. Donc je vous laisse l'écouter, appel à la mobilisation, à la lutte qui est toujours valable maintenant. Ah bah super, comme ça, un motif pour les gens pour adhérer le vendredi. Ouais. Depuis le mois de mars, nous, personnel soignant d'un hôpital public bruxellois, sommes mobilisés pour réagir à la dégradation constante de nos conditions de travail. La gestion de nos hôpitaux s'apparente de plus en plus à celle d'une industrie où le profit est de rigueur. Sauf que nous ne sommes pas dans une usine et qu'en face de nous, nous avons des êtres humains. Vous qui réalisez des économies sur notre dos, nous tenions à vous dire que votre politique est inhumaine et immorale. Vous nous demandez de toujours faire plus avec moins. Les patients comme les soignants sont les premières victimes de vos décisions. Face à ce constat, nous avons tiré plusieurs sonnettes d'alarme qui n'ont pas été entendues et qui sont restées sans réponse. Nous avons seulement commencé à être écoutés grâce à notre mobilisation. Est-ce que c'était nécessaire d'en arriver là ? Apparemment oui. Nous en arrivons même à nous demander comment nous avons fait pour tenir jusque-là. Aujourd'hui, l'ensemble des services hospitaliers sont au mieux en surchauffe, au pire en crise. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'on ne tiendra pas à cette cadence et dans ces conditions sur du long terme. Nous sortons régulièrement de notre boulot épuisés physiquement et psychiquement et n'avons même plus la satisfaction du travail bien fait. Vivre avec ce goût amer de ne pas pouvoir faire mieux pour nos patients, nous n'en voulons plus. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes en danger. Et nos patients sont en danger. Les soignants d'aujourd'hui seront les patients de demain. Les gestionnaires d'aujourd'hui le seront aussi. À force de gérer les hôpitaux comme des entreprises, à force de faire la course au profit, l'aspect humain a complètement été délaissé. La qualité des soins passe tout d'abord par du temps, un bon accueil et une bonne évaluation clinique. Nous voulons avoir le temps de prendre soin de nos patients. Nous nous battons aujourd'hui pour une amélioration de la prise en charge du patient et de tout son entourage. Tout le monde sait que nous sommes déjà un métier en pénurie. L'allongement de la durée des études, notamment, ne fait qu'accroître cette réalité bien présente. Nous sommes passablement usés et avec toutes vos réformes, nous sommes désabusés. Cette situation a des répercussions majeures sur le terrain. Arrêt des études ou de la profession, épuisement, burn-out. Sachez que la santé nous tient à cœur et qu'il y a une vraie volonté chez nous toutes et tous de travailler dans ce secteur. Mais ce n'est pas à ce titre que nous devons tout accepter. Dès aujourd'hui, nous n'accepterons plus de travailler dans n'importe quelles conditions. Vous nous imposez le pire et nous ne pouvons l'accepter. Vous êtes en train de tuer nos soins de santé, de tuer notre motivation et nos convictions. Il est temps que cela cesse et que cela change. Nous exigeons un refinancement des soins de santé, de mettre plus de personnel au chevet du patient pour assurer des soins de qualité, une revalorisation salariale et une véritable politique de bien-être au travail avec un arrêt du management inhumain. Il est temps de nous faire entendre. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui à la mobilisation générale des soignants. Nous appelons la population à nous soutenir. Nous sommes la base sans qui rien ne serait possible et nos revendications sont légitimes. Nous n'avons rien à perdre, tout à gagner. Ensemble, nous serons plus forts. Ouais, bien fait, cette vidéo. C'est très clair, ça parle, ça résume tout ce qu'on vient de dire. Et ouais. Voilà, merci. Merci, merci beaucoup d'être venu en studio pour en parler. Parce que c'est vrai, par faire partie de la population, on entend plein de choses, mais on ne sait pas comment ça se passe derrière. Et, ouais. Mais heureusement qu'il y a eu quand même des échos de vos actions. Oui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Et bonne continuation, hein, parce que voilà, ça vient de commencer là. Ouais. Ouais. Ça ne fait que commencer. Ouais. Bonsoir à tous et en avant pour cette nouvelle vie noire. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transgenre. De Transgenre. De Transgenre.